Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le cinéma iranien. Révolution et création. Avec nous cette semaine... Je suis Agnès De Victor, je suis maître de conférences dans le département d'histoire de l'art, histoire du cinéma. Alors, je suis Javad Zeini, né en Iran en 1968. Je suis Asal Bagheri. Je suis sémiologue et je travaille sur le cinéma iranien. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Froudon, je suis critique de cinéma, journaliste, je suis également professeur à Sciences Po et dans une université en Écosse. Je suis Katayoun Shahabi, je suis productrice et distributeur international des films iraniens à travers le monde. Aujourd'hui, quatrième épisode, film de genre, image de guerre. Agnès De Victor, vous avez travaillé sur le cinéma en Iran et particulièrement sur la production d'un genre qui est tourné dans le monde entier, le film de guerre. Quelle va être l'évolution du film de guerre en Iran à partir des premiers qui tournent autour du décor Iran-Irak? Le film de guerre va-t-il évoluer? Va-t-il se subdiviser peut-être? Arrive-t-on aujourd'hui à des productions, j'allais dire sophistiquées, léchées, des séries-fictions peut-être? Quelle est l'évolution de ce département-là? Alors je vais commencer, si j'ose dire, au commencement, c'est-à-dire au début de la guerre. On va avoir en Iran un cas très singulier dans l'histoire du cinéma mondial, qui est une production de films de fiction sur la guerre, pendant la guerre, et c'est un cas, je dirais, très rare, parce qu'on a eu, certes, les Américains ont fait des films de guerre pendant la guerre, mais je rappelle que la guerre n'était pas sur leur territoire. Là, on a vraiment des films qui sont faits alors que la guerre a lieu à l'extérieur de la salle de cinéma. Et ce qui, moi, m'a passionné, c'est de me rendre compte que dans ces années 80, on va avoir... si j'ose dire, deux grands genres, enfin deux grands types de films, pas des genres, mais deux grands types de films. Je dirais des films très inspirés du cinéma hollywoodien. On pourra en reparler, c'est même très étonnant. Hein. L'Iran vient juste de finir la révolution, ou en tous les cas continue plus ou moins à être habité par cette révolution dont nous avons dit combien elle était une révolution d'indépendance culturelle. Et pourtant... c'est le genre américain qui va faire référence, voire aussi le cinéma français. Et puis, en parallèle, va se développer un autre type de cinéma. Dans le premier cas, on va parler peut-être de cinéma de guerre. Et dans le deuxième cas, de films sur la défense sacrée. La défense sacrée, c'est la façon dont on a défini la guerre en Iran pendant la guerre. Et ces films vont tenter de rendre compte d'une des spécificités de cette guerre, c'est-à-dire de quelle a été la place de l'islam dans ces combats, et notamment de l'islam chiite, et en revendiquant une guerre différente où la spiritualité, où la foi a joué une part décisive. Et donc, les Iraniens se sont retrouvés à expérimenter un genre qu'ils ont créé de toutes pièces pour répondre à cette nécessité de définir pendant la guerre cette guerre de façon différente. Et sur les écrans vont ainsi cohabiter deux type de film radicalement différent. Il faut imaginer dans le premier cas, donc je dirais le cinéma de guerre d'influence très occidentale, des films qui se rapprochent des films des westerns, des films de la guerre du Vietnam, des films de la Deuxième Guerre mondiale, où on a vraiment là une parenté extrêmement proche qui définissent donc cette guerre comme une grande guerre du XXe siècle, dans ses termes classiques. Et puis, hop, sur l'écran d'à côté, on peut voir un film qui va, au contraire, filmer la guerre telle que la grande mythologie chiite de la bataille de Karbala, qui a eu lieu en 680, l'avait raconté, une guerre qui repose sur, un massacre. Une guerre où il va y avoir peut-être une perte militaire, mais une victoire de la foi, une victoire de la justice, telle que la bataille de Karbala l'a été. Donc, il ne va pas hésiter à montrer la mort, a montré la mort de ses propres forces combattantes, qui va transformer cinématographiquement cette mort en martyr. Et ça, c'est, je crois, une des premières fois que cette question va se poser à des réalisateurs. Comment montrer non pas un mort, mais un martyr? Montrer ce qui est un impensé du cinéma en Occident pendant la guerre, c'est-à-dire l'amputation, le démembrement des corps, et pour leur donner un autre sens. Et on va avoir ainsi deux guerres qui vont être racontées de façon synchrone sur les écrans, deux guerres différentes. Et quand on me dit le cinéma de guerre iranien est un cinéma de propagande, je m'interroge beaucoup, puisque là, ça donne une complexité à cette définition de la guerre par le cinéma. Et on sait bien que la propagande n'a jamais fait bon ménage avec la complexité. Et normalement, la propagande doit donner un message clair, unilatéral. Et là, c'est fortement différent. 8 années de guerre qui vont profondément marquer le pays. Vont-elles également marquer l'œuvre de Kiarostami? Dans quelle mesure s'il épouse différents genres cinématographiques, il va aussi attraper celui-ci, et comment va-t-il l'exprimer? Et profitez-en peut-être également dans votre réponse, Jean-Michel Fredon, pour nous donner à apprécier le cinéma de guerre en Iran, qui semble avoir une importance, j'entends numérique, relativement grande. J'en veux pour preuve notamment la revue de Téhéran, qui a fait paraître très récemment toute une série d'articles autour du film de guerre, de son écriture, comme de sa réalisation. Mais peut-être commençons d'abord par, si vous le voulez bien, Abbas Kiarostami. Kiarostami n'a pas réalisé de film de guerre. Kiarostami n'a pas réalisé de film qui documente l'actualité politique et, le cas échéant, militaire en cours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique. Chez Kiarostami, je considère qu'il y en a beaucoup, mais que ça passe par d'autres chemins, qu'il prend en charge les enjeux de son temps d'une autre manière. Kiarostami qui reste en Iran, contrairement à d'autres, à beaucoup d'autres qui pouvaient le faire durant cette période-là, qui va être soumis, disons, au danger de la guerre, au moins pendant la période où Saddam Hussein bombarde les villes et les populations civiles, avec les avions et les bombes que les Français lui ont données, n'en fera jamais le sujet d'un de ses films. Le seul moment où ça sera arrivé que une crise politique est devenue le sujet, c'est un film tout à fait extraordinaire, mais qui n'avait pas vocation à faire ce travail-là, mais qui s'est trouvé le faire, qui s'appelle Cas numéro 1, Cas numéro 2, et qui est tourné pendant la Révolution. Il commence le film avant la Révolution, il le continue en interrogeant les responsables politiques, religieux, spirituels de son époque sur une petite fiction, à nouveau avec les enfants. Et tout d'un coup, c'est une sorte d'instantané des regards, de la diversité des regards portés par les dirigeants sur les grands enjeux du pouvoir, de la répression, de l'unité ou de la rupture, etc. Le cinéma de Kiarostami, autant il va se préoccuper des effets d'autres types de catastrophes. On peut toujours y voir des métaphores, mais je suis pas sûr que ça aurait grand sens quand il va aller filmer les conséquences du tremblement de terre avec La vie continue. Et puis encore, dont on retrouve l'écho dans Au travers des oliviers. N'a pas filmé la guerre. Il y a un cinéma de guerre. Le cinéma de guerre iranien est très important en quantitativement, et qualitativement il se passe des choses tout à fait passionnantes aussi de ce point de vue-là, mais qui sont vraiment autre chose. Pas entièrement autre chose, parce que au moment de la Révolution, et dans ce mouvement qui est né de ce rapport au documentaire, les jeunes révolutionnaires, ceux qui renversent le Shah, et qui sont loin d'être tous islamistes ou roménistes, ont vécu ces années 70 où le cinéma, et un cinéma réaliste, faisait partie du désir de voir le monde dans lequel on vit et si possible de le changer. C'est les années 70, hein, c'est aussi, il y a une dimension mondiale dans cette chose-là. Quand la révolution a lieu, ils partent dans les campagnes, dans les petites villes, un peu partout dans le pays, filmer. Ils ont des caméras 16 mm, et puis progressivement des caméras, les grosses Betacam, les caméras vidéo qui arrivent, et ils vont filmer. Ces gens-là vont, quand la guerre commence, c'est-à-dire très vite après la Révolution, ils vont se retrouver sur le front et ils vont filmer. Et donc il y a une production documentaire de gens qui sont enrôlés dans l'armée, ils sont très nombreux. Il y a énormément de d'opérateurs, de gens avec une caméra sur le front, y compris vraiment en première ligne, voire devant les premières lignes, qui vont accumuler une masse d'images très très importante dans une guerre terrible, qui est de là une guerre nationale de résistance à l'agression, hein, c'est-à-dire que les deux ou trois premières années, en tout cas, de la guerre Iran-Irak, c'est la même chose que les armées de la Révolution. Le peuple se porte aux frontières face à l'envahisseur étranger. Et là, c'est ce qui va établir la puissance du régime de Khomeini, c'est-à-dire que les Occidentaux soutenant Saddam Hussein ont sauvé le régime de Khomeini, selon un mécanisme dont ils sont coutumiers, en essayant d'aller lui piquer quelques territoires pétrolifères dans le châtel arabe. Et du coup, là, tous les Iraniens, quoi qu'ils pensent, se réunissent. C'est ce que fera Staline à son époque, etc. C'est un processus connu. Et donc, tout le monde y va, si je puis dire. Et tous ceux qui ont une caméra, y va avec une caméra. Et beaucoup de monde à une caméra, parce qu'il y aura encore tout un autre mouvement que j'ai pas mentionné, qui est très important, qu'on a appelé le mouvement du Super 8, qui était des jeunes gens qui avaient pas beaucoup d'argent, mais qui voulaient faire du cinéma dans les années 70. Il y a ce rapport fou, vraiment massif au cinéma, et tous ces gens-là ont voulu faire des images. Il y a une immense quantité d'images donc documentaires sur le front, sur les fronts d'ailleurs, il faudrait dire, car c'est très étendu, très différentes les situations selon les régions. Et un certain nombre de ces gens-là, alors avec le soutien de l'État, vont ensuite faire des films de fiction à l'arrière. C'est des gens qui reviennent de la guerre, qui savent de quoi ils parlent. C'est très complexe aussi parce qu'il y a une dimension religieuse très importante, et notamment donc les volontaires, les Basidji, sont des gens qui se vouent leur vie à l'imam Hossein, la référence religieuse majeure des chiites, qui est presque plus importante pour eux que Mohammed. Et donc il y a cette dimension de nom de soi, de ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie comme le martyr, mais le martyr aujourd'hui est un mot saturé de sens qui rend son emploi un peu compliqué, avec des références historico-mythologiques, disons, notamment la bataille de Karbala, qui a vu la défaite de Hossein, donc le petit-neveu de Mahomet, qui a perdu le leadership des croyants et qui a été massacré par ceux qui sont aujourd'hui les sunnites, ce que sont les Irakiens qui attaquent les Iraniens à ce moment-là. Et donc il y a un arrière-plan mythologique et de récit, en même temps que toute la grande saga des paladins iraniens, hein, le grand livre des rois, c'est toute une histoire de héros et de guerriers dont on rejoue des épisodes et des choses comme ça. Et tout ça, mis ensemble, produit, oui, un cinéma de fiction à la fois saturé de rapports au réel et saturé de rapports à la mythologie. Infotrafic RTS. Soyez vigilants si vous circulez sur l'A5 Yverdon-Neuchâtel. Des objets ont été perdus sur cette autoroute entre Grandson et le tunnel de Nant en direction de Neuchâtel. Shavat Zeni, éclairez-nous sur deux termes, le tazier et le rozi. Le tazier semble, dites-vous, influencer indirectement le cinéma iranien par ses côtés les bons et les méchants, le bien et le mal, souvent présents dans les films iraniens, et les films notamment probablement de l'époque farsi. L'antithèse serait le rozi. Alors commençons par le premier. Qu'est-ce que c'est que cette figure-là? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui serait de l'ordre du théâtre populaire, théâtre de rue? Exactement. Tazier, c'était important parce que ça parle de la religion. Le prophète Hossein, qui on en parle toujours, d'ailleurs encore aujourd'hui en Irak, au Karbala, et ce qui se passe en ce moment, entre les chiites et les sunnites. Et donc ça, c'était un élément important, en fait, pour faire aussi la propagande religieuse, dans le sens où on utilisait ce théâtre de la rue pour mieux présenter la religion, pour mieux dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc c'était assez important parce que les premiers contacts des Iraniens avec le théâtre, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma iranien, ont vraiment commencé à partir de Tazier. C'est des spectacles de rue qui étaient très religieux, a eu une importance très très importante, même aujourd'hui encore, ça existe et il y a encore des spectacles de ce genre dans les villes. Qu'est-ce que c'est que ce spectacle-là? Qu'est-ce qu'on y raconte? Qu'est-ce qui y circule? Principalement, ça part des événements religieux de l'époque de Hossein, au Karbala, et la guerre qui existait entre Hossein et Yazid de l'époque. Le méchant de l'histoire, justement, ont attaqué ce prophète et ils ont tué toute la famille et les fidèles de ce prophète. L'événement qui se passe, c'est assez simple, c'est-à-dire le méchant arrive et il commence à parler de manière très violente de prophète et le prophète se lève et il commence à dire ses déclarations. Les gens, à ce moment-là, en même temps, ils entrent parfois dans le spectacle, ils participent. Parfois, il y a quelqu'un religieux qui vient encore expliquer les choses. Ils pleurent et il y a une ambiance assez étrange parce que parfois, vous le sentez vraiment même si ça se passe vraiment sans décor, sans lumière, rien du tout, vous sentez vraiment dans ce lieu, à ce moment-là. S'agit-il d'un méchant méchant, d'un méchant qu'on déteste, d'un méchant qu'on admire un peu secrètement, mais il n'est pas possible de le dire, d'un méchant qu'on hait délibérément et viscéralement et éternellement? Et il est dans quelle catégorie le méchant du tazier? C'est la troisième, comme vous avez dit. C'est le méchant éternel, c'est-à-dire ça fait 1400 ans, même plus un peu maintenant, qu'on parle de cette histoire et ça reste toujours quelque chose assez présent, dans le sens où le méchant reste toujours le méchant. Et d'ailleurs, l'héros du jeu, il en profite et parfois il compare, par exemple, les politiciens d'aujourd'hui en Occident, comme George Bush ou d'autres, comme justement, notamment, le méchant de ces spectacles-là, parce que les liens sont très simples. C'est-à-dire, les gens, ils vont tout de suite comprendre qu'en fait, le méchant, c'est lui, parce qu'il ressemble à ce méchant qu'on connaît depuis des milliers d'années dans les spectacles. Donc, ça a été très intéressant dans le sens où ça facilitait le contact religieux avec les gens. On pourrait dire aussi que Thazier était important dans le sens où l'art des spectacles, l'art de manière générale, a commencé justement d'entrer dans la vie quotidienne des gens avec Thazier. C'est-à-dire, on pourrait dire que la religion a été un petit peu quand même utile dans ce sens-là pour l'art. Cet archétype du méchant a-t-il des attributs de costumes, des objets, matraques ou autres, que sais-je, quelque chose qui me permettrait à moi, qui ne connais pas les codes, de repérer tout de suite le méchant ou bien pas? Oui, évidemment. En fait, si vous voulez, les vêtements ou d'autres qui sont utilisés dans ces genres de spectacles, ça date apparemment de l'époque, enfin, après ce qu'ils disent les chercheurs. Ce sont les choses, peut-être les seules choses matériaux ou professionnelles, on va dire entre guillemets, du théâtre qu'on voit dans ce genre de spectacle. Donc le décor est assez important, les vêtements sont très importants pour qu'on puisse se retrouver à ce moment-là. Il y a aussi quelquefois un ou deux cheveux dans l'histoire. Et il crée quand même une sorte d'ambiance assez spontanée, improvisée, pour donner, si vous voulez, une sorte de l'ambiance justement à ces genres de spectacles. Il est habillé comment, le Thazier? Il a un vêtement d'une couleur particulière? J'ai besoin d'insister. Je vais peut-être vous donner d'ailleurs une des clés de ma question. Javadzeni, j'avais eu l'occasion de participer à un spectacle de cascade équestre, de chevalier, mais effectué au Japon. Or, le méchant du tournoi de chevalerie était habillé tout de noir, et évidemment, pour les spectateurs européens, ça allait de soi. Même s'il n'avait pas vu le Dark Vador de la Guerre des Étoiles, c'était le méchant. Quand on est arrivé au Japon, le chevalier n'avait pas changé de costume, mais pour les spectateurs japonais, celui-là, c'était le bon, c'était le gentil. Les codes vestimentaires n'étant pas les mêmes. Qu'en est-il là pour le Thazier? Est-ce que le méchant a un habit d'une couleur particulière? Alors les couleurs, pas peut-être forcément. Souvent, celui qui joue le rôle de méchant est habillé d'une manière de guerrier de l'époque, avec un sabre à la main et criant assez fort et injurant les prophètes et sa famille. Infotrafic RTS. Soyez vigilants si vous circulez sur la 1 Genève-Lausanne. Quelle que soit votre direction, il y a des piétons qui sont signalés sur la chaussée entre Morges-Est et l'échangeur Décublanc. Attention donc. Et sur la 5 Yverdon-Neuchâtel, des objets ont été perdus entre Grandson et le tunnel Donnant en direction de Neuchâtel. Et de l'autre côté, le prophète a sa famille et sa famille sont habillés de manière très simple. Et d'ailleurs, le prophète se cache toujours le visage, on ne le voit jamais. Et donc, ils sont souvent assis par terre, c'est-à-dire ce qui joue forcément à ce moment-là, plutôt pour les spectateurs, c'est le contraste qui existe entre le méchant qui est à cheval et qui est en train de crier très fort. Et de l'autre côté, le prophète et sa famille qui sont plutôt assis par terre et dans une situation assez dominée, en fait, si vous voulez. L'antithèse, c'est donc, je le disais, le Rozi. Qu'est-ce que c'est que cette caractéristique-là? Quels sont également les personnages du Rozi? Si j'ai bien saisi, on est là dans une ambiance plutôt comique, voire peut-être même satirique, le mot est-il valable, est-il adapté? Racontez-nous ça. Oui, c'est assez intéressant ces spectacles. D'ailleurs, ça commence tout de suite après la fin du mois de Moharram, qui est le mois de la tristesse et pour le prophète Hossein. Et en fait, ça commençait dans les fêtes, les mariages, où on invitait des musiciens, notamment des comédiens, de venir à faire des spectacles pour amuser le public. Et donc souvent, c'était un roi assez gros, moustachu, et qui avait des contacts avec d'autres personnes. Et par contre, ce qui rendait encore les spectacles plus intéressants, c'était Hollande, qui était plutôt un noir, lui, il acceptait pas, il respectait pas forcément les éléments bourgeois de la vie, notamment les éléments imposés par le pouvoir, comme le roi. Et ça crée des moments assez intéressants d'entre les deux. Et les gens retrouvaient souvent des choses qu'ils avaient envie peut-être de dire dans ces genres de spectacles, c'est-à-dire l'ambiance était tellement lourde à ce moment-là, encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est souvent en passant par ce genre de satirique, des spectacles satiriques, qu'on pouvait vraiment s'exprimer. C'est-à-dire, par les choses drôles, on pouvait dire qu'en fait, tout ce qui se passe, tout ce qui vous êtes en train de nous imposer, nous dire, tout ça, c'est tous ces réglementations et toutes ces choses que vous êtes en train de nous imposer, c'est des conneries, en fait, si vous voulez. Et voilà, ce noir, il dit la vérité, il dit ce que nous pensons. C'était ça qui était très intéressant à ce moment. Quel propos universel. Alors, ces personnages, aussi bien du côté Tazier que du côté Rhodzi, vont irriguer le cinéma en Iran ? Oui, exactement. En fait, c'est, après, plus tard, on va voir ces mêmes genres de personnages. C'est-à-dire, il y avait toujours quelqu'un de drôle dans le film qui essayait de changer l'ambiance, donner une ambiance plus légère au film, dire certaines vérités qu'on ne pourrait pas dire autrement. Et ces personnages-là sont adaptés d'une autre manière dans le cinéma iranien. Et ce qui a été très intéressant, parfois on utilisait même les mêmes acteurs qu'auparavant dans le Rhodzi, dans le film iranien, parce qu'autant plus que ces gens-là, ils étaient très populaires. Notamment, il y en a un qui était très populaire, qui est mort il y a 2-3 ans, il me semble. Et ça a eu beaucoup d'impact dans les médias en Iran, ce qui était très étonnant. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à son enterrement. Et c'était quelqu'un vraiment très, très populaire et aimé en Iran. Notre épisode était intitulé « Film de genre, images de guerre » avec aujourd'hui Agnès de Victor, Jean-Michel Frodon et Javad Zaini. Demain, nous avons rendez-vous avec Magali Serre, réalisatrice du prochain documentaire d'histoire vivante « Iran, l'embargo ». Infotrafic RTS. Soyez vigilants si vous circulez sur la 1 Genève-Lausanne, quelle que soit votre direction. Des piétons sont signalés sur la chaussée entre Morges-Est et l'échangeur d'Écublanc. Je répète, soyez très vigilants si vous circulez sur la 1 Genève-Lausanne, quelle que soit votre direction. Il y a des piétons signalés sur la chaussée entre Morges-Est et l'échangeur d'Écublanc.